enfants de notre région. Bon, eh ben vous savez quoi, bonjour tout le monde, on va se dire que c'est le démarrage et on vous dit la totale vérité. On a un petit souci dans notre studio principal et donc on a déménagé dans un petit coin, studio plus petit, où l'oxygène va bientôt manquer, Jérôme de Warzée. Donc... Ici Londres. Oui, non Sarah Dupanier, je ne vous entends pas. Les violons sont longs, les violons sont longs. Donc Sarah Dupanier est là, Bruno Tumers est là aussi. Vous avez pris des vivres et des boîtes de conserve. Voilà, c'est important, Christophe Grandjean, de manger le plus grand en premier. Donc, ouais, mais c'est super cosy, moi j'adore. Mais est-ce qu'il faut mettre son casque comme à la radio ou pas? Non, faites le relax. Sinon ça me décoiffait. Faites le relax. Bon, alors si ça marche et qu'on a mis le bon coup de tournevis, on va vers la météo. On essaie de faire ça avec Denis Collard qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il va faire beau. Ouais, il va faire. J'espère. J'espère. Je fais un petit message personnel au passage. Vous êtes électricien avec un diplôme avéré. Venez maintenant. Bonjour à Viva Campus. Est-ce qu'on a mis la prise? On a besoin de vous. Oui, pour le même prix, dans les années 80, il s'est installé sur un bateau en mer pour faire de la radio pirate. C'est ça qu'on devrait faire. Bon, alors en fonction, puisque tout le monde est prêt, toute la bande est là. Christophe, vous avez le journal? Ça a marché, ça? Oui, ça, tout là. L'actu est toujours là. Alors ça marche et on y va. Et donc il est 8h, à la une de l'actualité ce matin, Christophe, les Belges qui sont en grande difficulté quand ils doivent utiliser Internet. On appelle ça la fracture numérique, à la Ligue des Familles on parle même d'analphabétisme numérique. Nous détaillons l'ampleur du phénomène avec Catherine Tonnero dans une minute. Dans deux jours, la rentrée scolaire, nous poursuivons notre examen du pacte d'excellence. Ce matin, les efforts pour revaloriser l'enseignement technique et professionnel. À quoi joue l'église de Scientologie? L'organisation considérée parfois comme une secte distribue des brochures sur les dangers du cannabis, peut-être une manière d'attirer de nouveaux membres. En France, nouvelle sortie de Manuel Valls contre le burkini. Le Premier ministre se réfère à Marianne, symbole de la République, pour s'opposer au maillot intégral. La Turquie poursuit ses attaques en Syrie. Elle construit même un mur à la frontière désormais. En sport, premier entraînement des Diables Rouges avec leurs nouveaux entraîneurs Roberto Martinez mais aussi Thierry Henry. Il n'y en avait que pour le français hier soir. Une enquête interpellant donc de la Ligue des Familles. La plupart des Belges sont un peu perdus quand ils doivent utiliser Internet. Oui, payer par Internet par exemple ou consulter en ligne les horaires des transports en commun. Certains le font tous les jours, d'autres en sont tout simplement incapables, Catherine Tonnero. Oui, la Ligue des Familles ne parle même plus de fracture mais d'analphabétisme numérique. D'après son enquête menée auprès d'un millier de Belges, une personne sur cinq en moyenne éprouve des difficultés à utiliser Internet au sens large. Écoutez les précisions de Delphine Chabert, porte-parole de la Ligue des Familles. Quasiment tous les ménages sont en difficulté à un moment ou à un autre, que ce soit soit pour le paiement, que ce soit soit pour l'accès à Internet, que ce soit soit pour la maîtrise d'un logiciel. Il ne s'agit pas de rejeter le numérique. Ce qu'il faut, c'est respecter le rythme de chacun. Certains citoyens ont besoin de plus de temps, ont besoin d'accompagnement et c'est, je pense, le grand enseignement de cette enquête. Accompagner les personnes pour les aider à utiliser Internet, c'est ce que fait Jean van der Spelen, formateur. Et pour lui, c'est en groupe qu'on est le plus efficace. Moi, je verrais plutôt des apprentissages collaboratifs. Et donc, il faut qu'on puisse imaginer des activités dans lesquelles les gens vont pouvoir, grâce au numérique, échanger, produire ensemble. La Ligue des Familles plaide aussi pour que continuent à exister des alternatives peu coûteuses aux ordinateurs pour éviter une forme d'exclusion de ceux qui ne se sont pas mis à la page numérique et à l'heure où tant l'école que les services publics ou les entreprises nous encouragent à utiliser de plus en plus l'Internet. Catherine Tonnero avec Patrick Michal. Et on en vient à Christophe à la suite de notre série consacrée à l'enseignement de demain. D'ici à la rentrée scolaire, nous examinons ce qui se trouve dans le pacte d'excellence, ces projets élaborés par les experts de l'enseignement. Et ce matin, la revalorisation de l'enseignement qualifiant, l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement qualifiant doit s'adapter aux besoins du marché du travail. C'est ce qui ressort de ce pacte d'excellence. Il faut que les formations collent davantage aux demandes des entreprises. Certaines écoles montrent déjà l'exemple. Elles ont intégré l'entreprise au sein même des classes. C'est le cas à l'Institut Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert en région bruxelloise. Odile Hert s'y est rendue à la fin de l'année dernière. Donc ici on est dans le local Audi. Vincent Guinchon nous fait visiter un local de l'école entièrement équipé par une grande usine de la capitale. Il coordonne le projet qui lie l'école et l'entreprise. 600 heures de formation et de stage en entreprise. Sur les 5 ans, il y a 12 jeunes qui ont déjà été engagés. Fabio Suarez est l'un des élèves à avoir choisi cette section. C'est bien comme on est là-bas quand même pas mal de temps, on se sent déjà mieux que si on débutait par exemple dans une entreprise inconnue où on devait prendre nos repères de nouveau, etc. Audi, évidemment, il gagne. Quand Audi engage un technicien, ils en ont pour 9 mois de formation. Ici, grâce à ce partenariat, cette formation est réduite à quelques semaines. Alors, ne fait-on pas le jeu de l'entreprise avant de penser au bien-être de l'élève? Pour la directrice Catherine Brahi, la réponse est non. Ça me semble effectivement très important de ne pas effectivement préparer et formater nos jeunes aux besoins de l'entreprise en général. Et là, il faut éviter cet écueil-là. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. Nous scolarisons des jeunes qui vivent l'exclusion au niveau du marché de l'emploi. Et je pense le fait que les intégrer très vite dans des stages ou dans un enseignement associé comme on le fait pour Audi, c'est une chance effectivement pour eux d'être beaucoup plus facilement engagés. D'autant que d'autres débouchés restent possibles, insistent d'autres élèves qui comptent entreprendre des études dans le supérieur. On l'entend, ces jeunes sont très motivés par leur formation de qualifiant, mais il y a encore un gros travail pour revaloriser l'image de l'enseignement technique. Les experts du pacte d'excellence veulent introduire des cours techniques très tôt dans l'enseignement général, dès l'école maternelle même, car les métiers techniques offrent de beaux débouchés, souvent négligés. Des brochures anti-cannabis retrouvées sur le comptoir de certains commerces de Saint-Gilles à Bruxelles. Rien d'inquiétant, sauf que derrière ces brochures, on retrouve une association qui est financée par l'église de Scientologie. Le but caché serait peut-être de recruter de nouveaux membres. Reportage à Bruxelles de Fabrice Gérard. C'est en se rendant dans sa boulangerie de quartier, puis quelques jours plus tard dans un snack, qu'un habitant de Saint-Gilles tombe sur la vérité sur le cannabis. Une petite brochure de 24 pages, édité par l'association Non à la drogue, Oui à la vie. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que l'origine de cette fondation, quand on voit rue de la loi 91, quand on fait une simple recherche, on tombe sur une antenne de l'église scientologique. Et donc pour moi, ce qui paraît louable, a priori comme ça, quand on creuse, est pour moi une imposture et une manipulation. La pratique n'est pas neuve. En 2011 déjà, ce type de dépliant avait été retrouvé chez certains commerçants bruxellois. Alors prosélytisme déguisé pour attirer de nouveaux adeptes, difficile à démontrer et surtout impossible à interdire, explique Jean-Claude Mass, psychologue et président de SOS Secte à Bruxelles. En vertu de quelle loi allez-vous interdire ce qui reste quand même fondamentalement une brochure de prévention? Et je dirais même, si c'était une brochure publicitaire par rapport au groupe en question, bah, les droits de l'homme autorisent toute association à objectif religieux ou pseudo-religieux à faire sa publicité. Implantée chez nous depuis plus de 20 ans, l'église de Scientologie a été acquittée en mars dernier par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Et comme il n'existe pas, contrairement à la France, de liste de sectes en Belgique, elle peut dès lors poursuivre ses activités en toute tranquillité. Les contours des métiers dits pénibles sont en train de se préciser. Début d'accord pour le moment sur plusieurs critères comme l'environnement et les risques du travail, sa charge physique et émotionnelle. Ce qui pose encore problème, c'est le financement du système. Système qui permettra à ceux qui ont exercé un métier pénible de partir plus tôt à la retraite avant 67 ans. Il en sera encore question aujourd'hui lors d'une réunion de la commission pénibilité du Comité national des pensions. En France, l'affaire du burkini sur les plages qui n'en finit pas de faire des vagues. Manuel Valls a une nouvelle fois dit hier soir qu'il était opposé à ce maillot intégral porté par certaines femmes musulmanes. Il en va de la liberté des femmes, selon Manuel Valls, faisant référence à Marianne, symbole de la République française. Sur la place des femmes, mes chers amis, nous ne pouvons pas transiger. Une société démocratique, libre, égalitaire, se juge d'abord peut-être aujourd'hui sur la place des femmes. La place des femmes, la conquête de leur liberté, c'est le combat historique de la gauche. Et puisque vous parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons nous toujours porter. Manuel Valls, hier soir, lors du meeting de rentrée du Parti Socialiste Français. Et puis la Turquie qui poursuit son offensive en Syrie. Septième jour de cette intervention. La Turquie vise à la fois les terroristes du groupe État islamique et les milices kurdes du PKK, ennemi juré du président turc Recep Erdogan. La Turquie qui profite de ces opérations pour construire un mur le long de la frontière syrienne. Ce mur doit totalement couper les habitants de la ville martyre de Kobané de leurs cousins kurdes de Turquie. Les précisions du correspondant de France Info dans la région Omar Ouadane. Dès les premières heures de l'intervention militaire turque, des bulldozers ont franchi la frontière et ont commencé à creuser du côté du Rojava, nom donné à cette région du nord de la Syrie par les Kurdes, avant la pose des premiers pans de ce mur. Perwer est un activiste de Kobané. Ils sont en train de construire ce mur du côté de Rojava, sur les terres de Kobané. La population manifeste le long de la frontière. Elle ne veut pas de ce mur. Haut d'environ 3 mètres et long de plusieurs kilomètres, ce mur sera également équipé de tours de contrôle afin de rendre totalement hermétique cette frontière. Ce responsable de la mairie de Kobané, joint via Skype, ne cache pas sa colère. La frontière est totalement fermée. Il n'est plus possible de traverser, même illégalement. Ce mur aura des conséquences désastreuses car il empêchera les produits de première nécessité de passer, comme les médicaments. Il aura également des conséquences sur la reconstruction. Tout le matériel dont nous avons besoin pour reconstruire Kobané ne pourra pas franchir la frontière. En fait, ils veulent rendre notre vie ici à Kobané insupportable. Voilà le vrai objectif de ce mur. Une nouvelle manifestation devrait avoir lieu ce mardi à Kobané pour protester contre la construction de ce mur. La marine italienne et les organisations non gouvernementales ont sauvé 6500 personnes hier en Méditerranée. C'est quasi un record pour une seule journée. Les migrants se trouvaient à bord de bateaux de fortune au large de la Libye. Les heures de Dilma Rousseff à la tête du Brésil sont probablement comptées. La présidente devrait être destituée aujourd'hui ou demain. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics du Brésil pour être réélue. Elle se dit victime d'un coup d'État. La mort d'une légende de la comédie américaine, Gene Wilder, s'est éteint des suites de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 83 ans. Avec ses cheveux bouclés, ses grands yeux bleus et son long nez pointu, c'était l'un des acteurs fétiches du délirant Mel Brooks. On l'avait vu notamment dans le film Frankenstein Junior. Gene Wilder avait aussi incarné Willy Wonka dans une adaptation de Charlie et la chocolaterie en 1971. 8h11, c'est le 8-9 Sport avec les Diables Rouges qui se sont donc retrouvés hier soir à Nerpet pour leur premier entraînement avant d'affronter l'Espagne, c'est ce jeudi en amical. Un premier entraînement sous la conduite du nouvel entraîneur Roberto Martinez, mais les regards étaient surtout braqués vers Thierry Henry, l'ex-star d'Arsenal et de l'équipe de France, championne du monde, qui a intégré donc le staff des Diables Rouges. Une arrivée qui ne laisse personne indifférent, comme a pu le constater Pierre Capard. Thierry Henry fait désormais partie du staff des Diables Rouges. L'ex-attaquant d'Arsenal est apparu souriant, détendu, mais aussi concentré sur sa nouvelle fonction. Le meilleur buteur chez les Bleus a effectué ses premiers pas en tant qu'entraîneur adjoint devant de nombreux médias venus spécialement pour lui. Parmi ceux-ci, une dizaine de journalistes français, dont Fabrice David de Téléfoot. En France, on perçoit ça comme un énorme événement. Ces rapports qu'on a avec lui, la personnalité qu'il a, font que tout ce qu'il fait, ça prend encore plus une dimension importante. Et son arrivée ici, alors que sa carrière d'entraîneur paraissait toute tracée dans une de ses deux patries d'origine, j'ai envie de dire la France ou l'Angleterre, là c'est une énorme surprise. Surprise aussi chez les joueurs qui ne s'attendaient pas à voir débarquer un tel monument, un attaquant qui a fait rêver la plupart des Diables actuels comme Thorgan Hazard. C'est impressionnant, hein. Quand on était petit, c'est vrai qu'on a regardé, on a tous regardé ces matchs, on était fans. Il y a beaucoup de monde qui attend de pouvoir apprendre, comme je l'ai dit, car il a fait de très belles choses. Même son de cloche du côté de Steven Defour, qui voit d'un très bon œil l'arrivée de Thierry Henry. C'est quelqu'un mondialement connu, tout le monde le respecte, et qui vient travailler dans le staff, ça fait plaisir. Une chose est sûre, les Diables vouent une profonde estime à Thierry Henry, dont le palmarès impose le respect, comme le souligne Steven Defour. C'est quelqu'un qui sait comment gagner des trophées, qui sait comment fonctionne un groupe qui gagne. Il ne faut pas le nier, c'est une star, mais maintenant il travaille avec nous. Et maintenant, comme on dit, il faut concrétiser. Les Diables s'entraîneront une nouvelle fois aujourd'hui à 11h, avant le match amical contre l'Espagne après-demain, donc, et celui contre Chypre mardi prochain, cette fois pour une qualification à la Coupe du Monde 2018. En tennis, début hier soir de l'US Open et début réussi pour Steve Darcy. Mené 2-0, le Belge s'est finalement qualifié pour le deuxième tour face à l'Australien Thompson. Après plus de 4 heures de match, un bel exploit donc pour Steve Darcy. Par contre, Elise Mertens, malgré le gain du premier set, s'est logiquement incliné face à la numéro 3 mondiale, Muguruza. Élimination aussi d'Alison Van Hooydonk face à la chinoise Wang. Aujourd'hui, entrée en lice de David Goffin face au jeune américain de 19 ans, Jared Donaldson, issu des qualifications. Côté dames, match compliqué en perspective pour Kirsten Flipkens face à la roumaine Simona Halep, 5e joueuse mondiale. Janina Wickmayer, elle, affrontera l'allemande Julia George. Enfin, mauvaise nouvelle pour les fans de Morane.

Notre centre, hyper sécurisé, est aussi accessible que Zaya dans un vestiaire de football. C'est à n'y rien comprendre. Enfin, l'essentiel semble avoir été préservé. Les échantillons appartenant à un certain monsieur DSK ont été préservés. Les 6 tonneaux sont là, toujours au fond de la cave. Une dernière information, rien à voir avec ce que nous vivons ce matin. Vous avez entendu parler de ce puissant signal radio envoyé depuis l'espace et qui interpelle les scientifiques. Il aurait été décodé venant de Proxima B, une planète similaire à la nôtre. C'était une invitation à répondre aux 3 sujets d'une émission s'intitulant « C'est vous qui le dites ». Nous ne sommes pas seuls et l'intelligence semble supérieure. Bon, le cactus de ce matin, si vous nous suivez sur la Une Télé ou sur le Live Center de la RTBF, on a changé de studio ce matin, on est en train de réparer l'autre, et donc il y a une douce proximité. Je peux maintenant vous toucher, vous caresser pendant le cactus. C'est assez doux. Voilà, Christophe peut caresser Sarah, qui peut caresser. On ne peut pas rester dans celui-ci finalement, moi j'aime mieux. Oui. Non, quand je vois l'image, si vous avez des bougies, parce qu'on n'est pas très éclairé. C'est de la vraie radio. On peut se caresser une fois, mais pas toute la vie. C'est aujourd'hui et puis plus. Il est 8h20, c'est ça le 8-9. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, c'est en Vivacité. Et le RTBF Mobile Info, Stéphane. Et soyez prudent, le brouillard sévit sur certaines régions du pays, notamment en région liégeoise. Il réduit par moments fortement votre visibilité. En région liégeoise, sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, vous ralentissez en raison du chantier situé à Chorat. Comptez 10 minutes supplémentaires des files à partir de Blegny en direction de l'échangeur de Lonsin. Des travaux vous ralentissent en province de Hainaut. Sur le 42 Mons-Tournay entre Tournevaux et Quin, 5 km de file et 30 minutes supplémentaires en direction de Tournay. Pour rejoindre Bruxelles, comptez 20 minutes de retard sur le 411 en venant de Namur entre Voreys et Léonard. Même retard sur le 40 qui vient de Liège où vous êtes ralenti entre Asserode et Woluwe-Saint-Étienne. Pour rejoindre Bruxelles depuis le 40 qui vient de Gand, eh bien c'est 30 minutes supplémentaires. Sur le Ring, c'est 30 minutes en plus en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Donc normalement, si vous avez bien suivi le chiffre clé, c'est 30. 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Et dans quelques instants, la suite du 8-9 avec le Zap Télé de Madame de Padua depuis le studio de secours. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité, Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée. Un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Ce vendredi 9 septembre, le gratin de l'athlétisme belge et international sera réuni au stade Roi Baudouin pour l'AG Insurance Memorial Van Damme. Vous voulez y être et fêter nos athlètes de retour des JO ? Écoutez Vivacité ce vendredi 2 septembre ou Balle de Match ce week-end pour gagner vos places. Vivacité, la radio du sport. 8h, 9h, le 8-9. Vivacité. Et donc dans l'actualité musicale de ce matin, vous l'avez entendu dans le journal de Christophe, Moran qui annule tous ses concerts, problème de voix et ça ne s'arrange pas. Et dans l'actu musicale de tout à l'heure, Bruno, il y aura... M. Pokora qui est de retour et Michael Bublé avec un nouveau single. Vous avez vu que Matt Pokora, il est dans The Voice Kids en France. Oui, ouais, avec Patrick Fiori. Et il se charrie en mode le vieux et le jeune quand même. Et ça sonne juste ou pas ? Quoi, quand il se charrie ? Oui. Eh ben moi je trouve qu'il va un peu trop loin le Matt Pokora. Et en c'est plus, too much. Et en plus il a des tatouages. Ah ben bravo. Eh ben, mais ça on le savait. Ben. Il n'en a plus. Non c'est vrai, il a tout effacé. Ah pardon, je l'ai eu au téléphone hier, au téléphone il m'a montré. Oui, et vous avez été vérifié partout ? Alors évidemment non, nous avons une promiscuité. Est-ce qu'il montre tout aussi, non ? Quand on parle sans preuve, on doit faire preuve de la plus grande prudence. Bon, 8h23, maintenant que j'ai donné des leçons, le Zap Télé avec télépro.be et la 2, Sarah, qui a donc hier soir a fait sa rentrée. Oui, tout à fait, avec Jérôme qui a bien travaillé. Hier soir aussi, il a présenté cette conférence de presse avec Adrien Deviveur pour parler évidemment de lui, du grand cactus qui est de retour. Voilà, vous avez tout dit. Il y a ça qui vous intéresse. On peut passer à la publicité. Ça s'appelait moi. Voilà. La 2 et moi. Moi, je m'aime. Retour du grand cactus à partir du 15 septembre, si je ne m'abuse. Oui. Avec des nouveautés ou pas. Bien sûr. On verra ça le 15 septembre. Enfin, vous ne croyez quand même pas que... L'autre star aussi, c'était Adrien Deviveur avec le nom. Ça fait un petit temps qu'on parle du magazine Santé et Bien-être. Ah oui. Sur la 2 télé, on a le nom. Attention, attention. Vitamine. Très bien. Si alors l'enthousiasme. On devait applaudir. Prévenez-nous. Non, mais vous hein. Non, parce que vous l'avez dit comme si c'était vitamine. Non, oui, c'est en trois mots. Il y a un jeu de mots. Ah, ouais. Et puis d'abord, refaites-le parce que moi je tiens à mon emploi. Donc refaites-le. Le nom donc de ce tout nouveau magazine Santé Bien-être diffusé tous les jours sur la 2. Vitamine. Ah ouais. Bravo. Et c'est à quelle heure ça alors, reprend la case d'un gars, un chef, à partir de 17h15 jusqu'à 17h55. C'est donc 40 minutes. Ça démarra le 26 septembre. Et bon, à savoir, il y aura un petit clin d'œil santé aussi dans l'émission de Sylvie Honoré. Survivez à partir de 13h à partir du 26 septembre. Et dans l'émission, trois questions. Ça vous dit rien? Trois débats sur la table. Quoi, copyright. Appelez mon avocat. Trois questions sur Facebook. On va répondre directement aux téléspectateurs avec pas mal de spécialistes. On va parler évidemment santé, bien-être. Alexandra Hubin qu'on connaît bien, médecin, cosmétique aussi. Pas mal de choses pour parler santé. Ça démarre donc le 26 septembre. Une autre star de la soirée, c'est Joël Scorils, qu'on retrouvera dans 60 minutes sans chichi le 22 septembre avec, s'il vous plaît, la magnifique Virginie Fira. Ah, pas mal. Comme première invitée. Elle présentera ses vitamines qu'il dit. C'est un concours de deux émissions. Et il y a le meilleur coiffeur de Belgique, on en a beaucoup parlé aussi. Ça arrive sur la 2 où 10 candidats vont devoir s'affronter pour voir s'offrir. À la fin, le gagnant se verra offrir une super formation coiffure. Ridicule. Inscrivez-vous un peu. Non, mais c'est sectaire. Il est temps. Si vous voulez, on peut le faire ici en petit. Qui a le meilleur coiffeur autour de la table? Christophe Grandjean. Petit gel dans les cheveux. C'est pas difficile. Hein. Ah non, vous avez du gel dans les cheveux, mèche vers le haut. Sarah, toujours la bouclette naturelle. Ouais, Bruno, j'ai du mal à décrire. Je ne sais pas si c'est un compliment. Non, mais brosse latérale. Non, mais ces émissions qui excluent une part importante de la population, je trouve ça vraiment consternant pour du service public. Mais qu'est-ce qui vous reste sur la 2 alors? Il y a pas mal de séries, justement, quand on entend toutes les séries. Gotham, Versailles, Borgia, Viking, Game of Thrones, franchement. Mr. Robot, excellente série. Oui, qui démarre mercredi, d'ailleurs, où on parle d'un robot. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vous être piégés. Mais oui, d'ailleurs, nous avons spoilé toute la série. Non, mais il y a un vrai piège. Si vous allez sur le site, on a vu ça sur les réseaux sociaux hier, il y a un article qui s'appelle « Les 10 salaires des animateurs francophones en Belgique ». Et donc, comme tout le monde, comme un pigeon, et j'ai cliqué en me disant « Ah, je vais savoir combien les collègues gagnent ». Et alors, quand vous cliquez, vous arrivez sur une page internet qui se déclenche comme si c'était des pirates informatiques qui prenaient le contrôle de votre ordi. Il faut un peu patienter, pas paniquer. Et puis, vous arrivez au final, sur la bande-annonce de cette fameuse série robot. D'accord. Et donc tout le monde se laisse piéger par l'article qui s'appelle le salaire des 10 animateurs. Les fripons. Ouais, vous vous êtes laissé piéger aussi? Pas du tout, non. Non, Bruno? Oui, je me suis laissé piéger, mais quand j'ai vu le truc qui apparaissait, j'ai coupé et je me suis dit « Ah, je me fais hacker !» Oui, moi aussi. Et donc je me suis dit... Donc ça peut rater leur truc. Ah ben non, parce que la deuxième fois, j'ai refait en me disant « Je veux quand même savoir le salaire des mecs qui bossent à côté de moi. » Donc j'ai recliqué et là, j'ai attendu, je suis arrivé sur la série. Et donc vous dites que c'est bien. Oui, alors, c'est-à-dire que moi aussi, je me suis laissé prendre. Ah. Si votre salaire y était. Oui, j'avais des gens en bas de chez moi, la police ou quoi. Donc à mon avis, c'était autre chose. Si vous plaît, j'avais cliqué. Bon, écoutez, ce matin, nous sommes en mode légèrement dégradé puisqu'on a changé de studio pendant qu'on répare le nôtre. Et puisqu'on fait le travail à moitié, il y a Jean sur la page Facebook du 8-9 qui dit « Je me souhaite à moi-même un bon anniversaire ». Comme ça, au moins, c'est fait. Bon anniversaire quand même. Eh bien, vous avez raison de vous auto-souhaiter parce que pour le reste, on essaie de trouver nos marques. Pas de panique. Tout à l'heure, nous fêterons les 70 ans du journal de Tintin. Vous l'avez peut-être lu en étant petit, eh bien c'est une bible qui republie tous les meilleurs moments du journal de Tintin qu'on parcourra ensemble tout à l'heure dans la suite. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Bien entamé son année scolaire, la prévention plutôt que la remédiation. Nous en avons parlé ce lundi avec notre conseiller en apprentissage et en orientation scolaire. Si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Parfait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Et vice-versa. Un portable avec clavier pour le travail, une tablette avec écran tactile pour la maison. Ou vice-versa. On peut aussi jouer dessus ou regarder des films. Ah, ça va plaire aux enfants, ça. Et avec sa batterie puissante, on peut l'utiliser partout. De la voiture à l'avion. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Regardez vite sur vandenborg.be ou dans l'un de nos magasins. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. La Ligue des Familles dénonce l'analphabétisme numérique qui frappe de nombreux Belges, les difficultés d'utiliser Internet. Une personne sur deux, par exemple, est incapable d'effectuer un paiement sur le web. Dilma Rousseff en route vers la sortie. La présidente du Brésil devrait être destituée aujourd'hui ou demain. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes de l'État. En sport, Steve Darcy qualifié pour le deuxième tour de l'US Open de tennis. Le Belge a fait fort hier soir après avoir perdu les deux premières manches face à l'Australien Thompson. Darcy a remporté le match après plus de 4 heures de confrontation. Elise Mertens et Alison Van Oudvank ont été éliminées. Eh bien, on a dit qu'après le week-end, c'était fini. Que nenni, 25 degrés de maxima aujourd'hui. Le temps est généralement ensoleillé, ce qui n'empêchera pas quelques nuages. 25 degrés de maxima, 22 degrés si vous êtes encore à la côte et que vous en profitez. Vous êtes sur Viva, il est pile 8h30. Et toute l'info de notre région, Bruno Schmitz, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. La rentrée s'annonce problématique pour de nombreux petits bruxellois. C'est le parti écolo qui l'affirme. Les Verts ont mené une enquête auprès de quelques 200 instituteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, la moitié dans la capitale, et le constat est cinglant. Dans plus de la moitié des cas, le nombre d'enfants par classe est très problématique. Barbara Tracht, députée écolo en Fédération Wallonie-Bruxelles. La situation est plus problématique à Bruxelles parce qu'on le sait, il y a une pénurie de places. Hein. On sait que c'est très difficile, les parents qui nous écoutent doivent le savoir. Trouver une place dans une école à Bruxelles, en particulier dans une école maternelle, est très très compliqué. Donc cela explique que les classes soient de plus en plus nombreuses. Alors vous avez interrogé quasiment 200 instituteurs. Et quel est le ressenti justement en particulier à Bruxelles? Ils sont dépités, ils perdent le moral en vue de cette rentrée? Bah oui, absolument, et c'est normal. Je pense que quand on est dans une classe où il y a tant d'enfants, tant pour les enfants que pour les enseignants, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué à la fois d'apporter les soins à des tout petits enfants et de commencer des apprentissages quand on est face à un si grand nombre d'élèves. La Fédération Wallonie-Bruxelles est en train de travailler à son pacte pour un enseignement d'excellence. Elle entend refonder la maison école, et nous disons que si on veut refonder en profondeur la maison école, il faut commencer par ses fondations. Et nous disons qu'il faut réinvestir massivement dans l'enseignement maternel pour avoir des bénéfices sur l'ensemble de la scolarité, aussi sur le plaisir d'enseigner, le plaisir d'apprendre et pour plus d'égalité entre les élèves. Et ces petits comme les autres élèves bruxellois, ils auront du mal aussi à avoir accès à une piscine cette année dans la capitale. Le constat est limpide, près d'un élève bruxellois sur trois n'apprend plus à nager avec l'école. La faute au manque de bassins, les cours de natation font pourtant partie du programme scolaire. Mais par manque de place, de nombreuses écoles renoncent à les organiser ou alors elles sont obligées de bricoler, Jérôme Durand. Piscine pour les années paires, tennis de table à la place pour les années impaires. Voilà ce qu'applique depuis un an le centre scolaire du Pré des Agneaux à Oudergem. Pas le choix, selon Sabine Doms, la directrice de cette école fondamentale. La commune d'Oudergem n'a pas de piscine, donc nous avons dû aller au Calypso, donc à Boisfort. Il se fait que Boisfort donne priorité à ses écoles, et ce qui est tout à fait normal. Et donc nous prenons sur les heures qui restent. L'heure de midi, par exemple, lui a été proposée. Une plage horaire peu adaptée aux enfants. Les piscines en conviennent, mais n'ont pas le choix. À celle du Sport City à Aulieu-Saint-Pierre, Alain Enrot est incapable de répondre à toutes les demandes. C'est vrai, nous sommes forcés de devoir refuser des entités, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient sportives, qu'elles soient ludiques. Alors pourquoi ne pas construire de nouvelles piscines? La réponse est forcément budgétaire. C'est un gouffre pour les communes. Quant à la région bruxelloise, compétente en infrastructures sportives, elle privilégie les subsides à la rénovation des bassins de natation, ce qui diminue la charge financière qui pèse sur les communes, mais ne règle en rien la question du manque de piscines en région bruxelloise. Les auteurs de l'attaque d'hier contre l'Institut de criminologie à Neder-Overhembeek n'ont pas encore été interpellés. Hier, les forces de l'ordre ont interrogé 5 personnes, mais elles ont toutes été relâchées. Les premières analyses ont également été faites par des experts. Un peu ironique quand on sait que l'Institut accueille justement au quotidien le travail de scientifiques de la police qui réalisent ces analyses sur d'autres enquêtes. Pour rappel, des individus ont forcé les grilles de cette institution avant de mettre le feu au bâtiment. Cela s'est passé hier vers 2h du matin. 8h33 en on va parler sacs plastiques à présent. Ils devraient disparaître totalement dans les mois qui viennent à Bruxelles. Mais depuis janvier, les abattoirs d'Anderlecht ont déjà un peu commencé au niveau des étalages du marché couvert. L'interdiction sur place touchera bientôt le secteur des fruits et légumes. Dès septembre, en fait, il faudra prendre d'autres habitudes pour emballer prunes ou carottes, par exemple. Comment les commerçants se préparent-ils à ce changement ? Reportage au marché des abattoirs, signé Julien Covolo. Ce bruit familier va bientôt disparaître du marché des abattoirs d'Anderlecht. Mohamed Ibrir, responsable de la propreté. Nous avons eu un mouvement de panique au niveau des fruits et légumes. Donc, dans un premier temps, on a déjà repoussé l'interdiction de juillet à septembre pour leur donner plus de temps pour se préparer. On a commencé progressivement par les catégories qui en avaient le moins besoin et d'arriver jusqu'à aux fruits et légumes qui, eux, sont ceux qui en font le plus l'usage. Pour Paul Tillemans, porte-parole des abattoirs, il n'y a pas d'autre solution possible. Nous n'avons pas le choix. Nous avons opté pour être à l'initiative et peut-être anticiper déjà un tout petit peu par rapport à la date d'introduction dans la région bruxelloise totale. Il faut réagir maintenant. Mais comment va-t-on faire du côté des commerçants ? Ils vont sûrement trouver un autre système, en papier ou quelque chose comme ça, un peu plus solide. Les gens, à partir de leur panier, comme à l'ancienne. On fait comme avant, les gens, ils ramènent des caddies, elle ramène des grands sacs, voilà. Les sacs plastiques auront complètement déserté le marché d'ici janvier 2017. Seule exception, pour des raisons d'hygiène, la viande et le poisson. En football, à deux jours de la fin du mercato, les choses bougent encore du côté d'Anderlecht. Un départ est confirmé, celui de l'attaquant italien Stefano Okaka, qui rejoint le club anglais de Watford pour 5 ans. Pour le remplacer, le nom d'Amdi Arbaoui circule. L'ancien avant de Lokeren évolue pour l'instant à l'Udinese en Italie. On parle là d'une arrivée gratuite en terre bruxelloise. Anderlecht a aussi confirmé l'arrivée du milieu roumain Nicolae Stanciu, qui devient le joueur le plus cher du championnat de Belgique, avec un transfert estimé à 10 millions d'euros. Enfin, les Mauves connaissent leur premier adversaire de la saison en Coupe de Belgique. Ils affronteront Aude-Everley-Louvain le 21 septembre. Et puis, l'invité de la rédaction de BX1 sera ce midi le député bruxellois MR Alain De Steyx. Il répondra à Jean-Jacques Delot. Rendez-vous vers 12h45. Et à 9h, c'est vous qui le dites, avec trois débats sur la table. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici s'est enfuie avec son papa. Une vie dans la clandestinité, voilà ce qui attend cette jeune fille. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir ? Ensuite, le PS qui veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait dézinguer de partout. Est-ce que vous croyez-vous aussi que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible ? Et puis Écolo qui dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y a que 15,8 enfants par classe. C'est quoi la réalité dans la classe et dans l'école de vos enfants ? Dès maintenant, le standard est ouvert, comme d'habitude, au 070-233-466, oui, par SMS, au 3063. Vous appelez dès maintenant et la conversation démarre en direct sur la Une Télé et sur Viva. À partir de 9h, à tout à l'heure. Et le RTBF Mobile Info, Stéphane. Des ralentissements engendrés par des travaux sur le 42 Monstournet entre Tournevaux et 15 km de file actuellement et 50 minutes de retard en direction de Tournai. Sur le 411 pour rejoindre Bruxelles, vous ralentissez à partir de Voreil jusqu'au carrefour Léonard, ajoutez 25 minutes. 25 minutes supplémentaires également sur le 40 qui vient de Gand. La circulation s'effectue en accordéon entre Alost et Affligem, plus 20 minutes sur le 40 qui vient de Liège. Ralentissement à partir d'Everlay jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne. Sur le ring, les temps de parcours les plus importants sont les suivants. En circulation extérieure, vous ralentissez entre Ytre et le carrefour Léonard, il faut ajouter 30 minutes supplémentaires et puis on ajoute 25 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Par ailleurs, un accident s'est produit sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain à hauteur d'Outalen. Il y a des files en direction de Louvain. Merci Stéphane, voilà pour le point route. C'est donc le deuxième jour et la vraie rentrée. Je ne vous l'apprends pas les enfants, c'est donc le 1er septembre. On sera évidemment attentif sur les routes, dans les cours de récré, aux abords des écoles, sur les passages piétons, dans les zones 30, oui, y compris chez vous. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure ? On entend à la fois Facebook, Instagram... Oh. On en pleure de rire. Un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. En télé sur la Une. Elle est sortie de son sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduite en crime. Blindspot, Les trois premiers épisodes, ce mardi sur La Une. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Bienvenue si vous voulez jouer au Kikadi tout à l'heure. Une citation à identifier, un cadeau à la clé, puis bien sûr un mot à imposer à Jean-Luc Funk pour son live de vendredi. Inscrivez-vous maintenant, SMS au 3063. Vous indiquez... Je veux jouer. Ouais, jouer avec ER à la fin. Bah, votre oui, alors. Oui, parce que de la façon dont vous l'aviez dit, on avait mis un Z. Il y avait un accent. Vous avez dit je veux jouer. Non, je veux jouer. C'est au 3063 SMS, puis vous indiquez nom, prénom, coordonnées complètes. On s'appelle dans quelques instants. Qui est dans l'actu musicale de ce matin, Bruno ? M Pokora et Michael Bublé. Ils reviennent tous les deux avec un nouveau single. Qui est le plus jeune ? M Pokora. Ouais, qui est le plus beau ? Ça, c'est, je vous laisse juge, ouais. Sarah. C'est pas le même genre. Non, c'est pas du tout le même genre. Qui est Michael Bublé, je dirais, non ? Le plus beau ? Oh, j'aurais dit Matt Pokora, vous voyez. Plus vieux. Jérôme, si la loi vous obligeait de choisir un homme dans ces deux-là, vous prendriez. Écoutez, oui, mais. La loi, c'est la loi. Mais je sais, oui, mais je représente la loi. Et je peux changer la loi. Vous opposez à la loi tout le temps. Bon, un amendement ? Mais non. Bon, 8h40. Notre invité ce matin fête les 70 ans du journal Tintin et des éditions du Lombard. J'ai dans les mains ce qui est une véritable Bible et brique. C'est un best-of des histoires complètes pendant les 42 ans de vie du journal Tintin. Et qui est notre invité ce matin pour les éditions du Lombard ? C'est Gauthier Van Merbeek, bonjour. Bonjour. Alors avant de feuilleter, il faut quand même faire une petite page d'histoire, parce que le journal Tintin, né en 1946, c'est étonnant parce qu'on est au lendemain de la guerre. Et on se dit que la préoccupation première, c'est pas de faire de la BD, et pourtant c'est là que ça naît. Pourquoi ? La préoccupation première, en tout cas de Raymond Leblanc, qui a créé le journal Tintin avec Hergé, c'était aussi de distraire les jeunes qui avaient plutôt bien besoin. Donc, ouais. Il y avait vraiment cette envie aussi de recréer un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de création. Donc c'était plutôt un bon moment, en somme toute. Alors il y a déjà un truc de marketing, c'est que les gars se disent on va surfer sur la notoriété de Tintin. Tintin, en 46, il est déjà connu de tous, malgré l'interruption de guerre, c'est déjà une vedette. Il est déjà très connu, en fait. Il y a déjà eu le petit 20e dans les années... il a commencé dans les années 20. Et donc Tintin est le personnage de bande dessinée le plus célèbre du monde, déjà à ce moment-là. Même si c'est un peu circonscrit à la Belgique et un peu à la France, il est déjà connu. Alors vous faites un choix, enfin les éditeurs à l'époque, vous n'étiez pas là il y a 70 ans. J'étais pas là encore. Non, ben voilà, c'était pour être bien sûr. Et donc ils font un choix. Ils disaient les Américains, c'est les comics, donc avec tous leurs super-héros, c'est que du fun. Mais nous les Européens, on veut faire un truc quoi ? Plus intellectuel, plus... La réflexion ne s'est pas faite tellement en opposition, mais il y avait effectivement un point de vue peut-être plus européen qui était de dire il faut distraire, mais de façon intelligente, en apportant un fond, un contenu. Il y avait une envie un peu pédagogique aussi au départ. Ouais, et c'est ce qu'on retrouve alors dans cet ouvrage qui est donc un véritable best-of. Ce sont des histoires qui ont vraiment été publiées dans le journal de Tintin. Intégralement, toutes. Alors ça démarre d'abord par quelques unes du magazine. Vous vous souvenez des unes du magazine Tintin, Jérôme, vous qui en étiez ? Mais oui, oui. Enfin, qui en étiez de la lecture. J'en étais. Non, mais j'ai beaucoup de Tintin chez moi, de la première époque, parce que ma maman est née en 46 et ses parents l'avaient abonnée pour... Ah, génial. Déjà, et elle a été jusqu'au bout en 88 ? Ouais, non, alors non, elle n'a pas été jusqu'au bout, mais jusqu'en 60. Quelle est votre adresse ? Parce que ça vaut très très cher. Ils ne sont plus en très bon état. Ah, c'est dommage. Très mauvais état. Mais bon. Donnez pas son adresse parce que les mecs de l'Institut criminalistique d'hier sont toujours en liberté. Et ils recherchent ma mère depuis bien longtemps. Ça non. Bien longtemps. Non, au début, toutes les unes du journal Tintin, c'est des personnages de Tintin. Donc, c'est jamais les bandes dessinées autres qui s'imposent à la une de Tintin. Ce sont les personnages du journal. Hergé avait évidemment la part belle, mais les plus grands héros ont eu chacun leur tour, effectivement, leur une. Blek et Mortimer, Corentin, c'était chaque fois un dessin inédit de l'auteur. Pour présenter la série. Et c'est génial à lire parce qu'alors on retrouve quelques extraits de Michel Vaillant, mais avant la nouvelle saison. Donc vous savez que Michel Vaillant est venu la semaine dernière avec Philippe Graton, mais on retrouve les Michel Vaillant, première génération. À l'époque, il y avait encore le circuit Nivelles. Vous vous souvenez de ça ? Qui était le circuit Nivelles ? Ah, je ne suis pas un expert, mais il existe toujours. Isolder aussi. Ah non, le circuit Nivelles est devenu un zoning industriel. C'est bien ce que je viens de dire. Et vous pouvez aller tourner avec votre voiture. Mais c'est ce que je vais, je me dis, tiens, c'est quand même léger. Du rodéo le week-end. C'est quand même léger. Et alors, c'est génial, dans le journal de Tintin, il y avait un courrier des lecteurs et vous reproduisez quelques demandes des courriers des lecteurs. J'ai retenu au hasard la question de Timo d'Helsinki qui disait à l'époque « Pourriez-vous enrichir les bandes dessinées de Tintin dans un sens plus adulte ?» Ça veut dire quoi ? Alors c'est peut-être là qu'est apparue la Castafiore, ça je peux pas le dire, mais peut-être que lui, vieillissant, trouvait que le fond devait être un peu plus élaboré, moins manichéen. Ça j'avoue que je ne sais pas, mais Tintin, je crois qu'Hergé n'a jamais changé sa ligne pour le courrier des lecteurs, il est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Ah, parce que moi, plus adulte, je comprends, vous voyez ce que je comprends quand on dit faire évoluer plus adulte. Plus sexy. Oui, plus sexy, plus coquin. Mais tout le monde n'est pas adulte comme vous, Benjamin. Non, mais les adultes des années 50 ne sont pas ceux des années 60. Pendant des années, il n'y a pas eu les aventures de Tintin dans le journal de Tintin, d'ailleurs. Alors, à un moment, ça s'est interrompu, ouais. Mais en fait, ça a commencé vraiment avec Tintin. Donc, oui, bien sûr. Il était dès le départ dans le journal, avec trois autres héros qui sont nés à ce moment-là, Blake et Mortimer. Enfin, ouais, classe. Quatre, du coup. Corentin, et alors il y avait Hassan et Kadour, une BD moins connue, mais c'était les quatre mousquetaires qui ont vraiment créé le journal, ces quatre. Il y a des trucs dont je me souviens plus, mais on retrouve à la page 150 des épisodes de La Grande Menace. Vous vous souvenez de ce que c'est, La Grande Menace, autour de la table ? C'est quoi, c'est une série ? Ouais, c'était quoi, La Grande Menace ? C'est le titre d'un album de Blake et Mortimer. Donc on a mis quelques extraits des planches de Jacobs, mais il y a surtout une histoire courte de lui qui n'est pas Blake et Mortimer, sur les grandes pyramides, et là pour le coup c'est un vrai inédit de Jacobs qui est dans le... Alors il y a les histoires de Dan Cooper, donc on est dans le monde de l'aviation, c'est pas Buck Danny, moi j'ai le souvenir de Buck Danny, vous voyez le pilote. C'était le grand rival, hein ? Ouais, Dan Cooper. Ouais, Dan Cooper, c'était le rival de Buck Danny. Et qui est chez Dupuis, donc chez Spirou. Et qui est le plus jeune ? Ah, ça, je sais pas. Et qui est le plus riche ? Et qui est le plus beau ? Probablement Buck Danny. Ouais. Je vous le dire. Dan Cooper était canadien, c'est sa petite spécificité à lui. C'était un pilote de chasse de l'armée canadienne. Et alors, vous revisitez un peu l'histoire avec un petit regret, parce que vous dites à un moment, nous saluons le trop court passage, puisque les bandes dessinées sont entrecoupées par des moments d'histoire ou par des réflexions personnelles. Nous saluons le trop court passage du génial Franquin. Donc, Franquin a très peu participé. Franquin, c'est Gaston Lagarde. On l'aime tellement pourtant. Ah bah ouais, il a peu bossé chez vous. C'était le grand transfert de l'époque. Franquin était vraiment attaché à Dupuis et à Spirou, le grand rival de Tintin. C'était vraiment les deux journaux qui s'opposaient. Et donc un jour, le grand coup de Raymond Leblanc, ça a été de séduire Franquin pour le faire venir au Lombard, où il a créé Modeste et Pompon. Alors le truc est super lourd, mais passionnant, parce que c'est une vraie page d'histoire et de la Belgique et de la bande dessinée. Les 70 ans du journal Tintin et des éditions du Lombard. Vous avez toujours ce bâtiment à Bruxelles, à la gare du Midi. Quand on sort de la gare, on voit sur le dessus la tête du Milou et Tintin. Le panneau. Oui. Vous l'avez toujours ? On l'a toujours. Mon bureau est juste en dessous, donc ça reste symboliquement assez fort. Ce qui nous a poussé aussi, d'ailleurs, à cette rencontre avec Moulinsart pour cette coédition. Ouais. C'était une sorte d'évidence, ce lien était très ancien. Et vous jurez que vous ne l'enlèverez jamais, ce panneau, parce que Quick est mort, déjà, Sabena est mort. Et vous, c'est vous un repère. Oui, c'est un repère. Vous il est même classé, donc on voudrait qu'on ne pourrait pas. Mais jamais, vous ne l'enleverez jamais. Jamais. Nick Rodwell ne peut pas venir avec un bazooka. Ah oui, c'est vrai, il pourrait. Vous avez parlé à Nick Rodwell pour faire le truc ? Bien sûr, on s'est vu il y a deux ans, on a parlé d'abord du projet ensemble, et... J'ai presque été déçu, mais il s'est montré assez vite enthousiaste. Ça a été très facile et très agréable avec Nick Rodwell. Il a juste pris 97%. Ah bah alors, s'il n'y a pas d'orage de la vie, l'interview s'arrête. Gauthier Van Merbeek, les 70 ans du journal Tintin, édition du Lombard. Essayez de vous procurer cet ouvrage. C'est un petit ouvrage, c'est un petit bijou. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci. Et dans un instant, le Kikadi, vous nous raconterez votre histoire personnelle de 1946 à nos jours. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472, 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois ? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey ? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit ? Le 8-9. Vivacité. Tiens, un œil sur vos SMS au 3063. Si vous nous regardez sur la une télé, je lis toutes ces entrées et sorties du studio, une vraie pièce de boulevard. Ouais. Chapeau. Oui, c'est vrai. Vaudeville. Ouais, on se croirait dans Bosman et Copenhol, mais. Mais on n'a pas les costumes. Voilà. Et l'accent en moins. L'accent en moins. Pour... Vous voulez Sauf faire qu'on a Madame Chapeau. Enfin, il y a le crin qui vient avec. Voilà. Oh, on n'est pas motivé. Bon, bah, non, c'était court. Hein. C'était court à petite dose. Je sais ménager mes effets. Eh ben voilà, 8h48, pendant que Madame Chapeau fait grève, alors, visiblement. 8h48, qui qu'a dit ? Isabelle, vous êtes dans quel coin du pays ce matin ? Je suis à Dilbeek. Et vous êtes institutrice, donc la rentrée scolaire, c'est quand ? C'est après-demain, jeudi. Encore deux dodo. Oui. Et vous sentez la petite boule au ventre qui monte. Bien sûr, évidemment, c'est évident. C'est vrai, vous l'avez encore ? Bien sûr. Très bien, bisous magiques offerts par Bruno. Bisous magiques. Très bien, voilà. Merci Bruno. Eh ben, à tout ça, c'est dans 2 mois. Le mal de ventre est parti. C'est dans 8 semaines. Voici le Kikadi, Isabelle. Une citation à identifier, vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table, remporter un cadeau et imposer un mot à Jean-Luc Fonck. Kikadi, malheureusement, ça promet d'être long, mais je garde le moral, il y aura des jours meilleurs. Malheureusement, ça promet d'être long, mais je garde le moral, il y aura des jours meilleurs. C'est Morane qui a dit ça, car elle a quelques problèmes de cordes vocales. Marc Wilmots a dit ça, car visiblement, il n'entraîne plus les Diables Rouges. Jean-Michel. Ou François Hollande, qui a dit ça, car il doit se présenter c'est aux différentes sympa. Primaires. Vous pouvez demander l'aide de quelqu'un autour de la table, Sarah, Bruno ou Jérôme. Je pense que c'est Morane qui a dit ça. Mais autrement, je peux demander de l'aide, mais pour moi, c'est Morane. Eh ben, sans aide, bravo. Et bien joué, il y aura des jours meilleurs puisqu'on a appris ce matin qu'elle annulait tous ses concerts, problèmes de voix, de gorge et de cordes vocales qui ne s'arrangent absolument pas. Le cadeau pour vous, c'est la compile officielle des Diables Rouges. Allez les Diables! Magnifique. Ça a l'air sincère. Mettez-y un peu plus d'enthousiasme. Visiblement, c'est pas vous qui donnez théâtre à l'école, visiblement. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui fait le cours. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour le live de vendredi ? Chinois. Pourquoi chinois ? Parce que j'ai une statue chinoise devant moi, et voilà. Heureusement que c'est pas monsieur tout nu. Oui, voilà, mais écoutez, et ça, allez. Et ça représente quoi ? C'est quoi une statue chinoise ? Ça représente quoi ? C'est un personnage chinois du 14e siècle, c'est, voilà. Okay. C'est une œuvre d'art. Il est jaune ? Non, même pas. Okay. Vous avez des préjugés sur les Chinois. Mais non, mais j'essaie de comprendre le... C'est pas un Bouddha. Ah, c'est un Bouddha ? C'est pas vraiment un Bouddha. Blanc ou noir ? Là, il y a du blanc parce que les peintures sont un peu écaillées, mais autrement, il y a de toutes les couleurs. Non. Alors, entre l'animateur qui demande si le gars est jaune et l'autre qui se moque de Bouddha, alors il n'y a plus de programme possible. Et vous vous étonnez qu'on a cassé notre studio principal. On ne le mérite pas, Benjamin, c'est tout. Et qu'on est dans une arrière-cave. Bon, je vous embrasse, Isabelle, et bon courage pour la rentrée, surtout. Un gros bisou spécial à Benjamin. Voilà, au revoir. Eh ben, à vous, Benjamin. Ah bon ? Je vous embrasse, merci beaucoup. Alors, je viendrai voir le chinois à la maison, dans ce cas. La question d'intérêt général dans un instant, et puis l'actu musical avec Monsieur Pokora. Hey maman, on joue au supermarché. D'accord mon cœur. Alors, je voudrais 1 kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah, ok. Voilà. Je Et vous... ton caddie ? Ah oui. Bon, alors, je voudrais... Hé hey, la madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin, je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois. Ouais. De la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial, je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix ? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre ! Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez de... Non, tu l'as pas coupé. Ah non ? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Jusqu'à 9h. Le 8-9. Vivacité. Si monsieur Je me moque de Bouddha pouvait procéder à la question dite d'intérêt général. L'iconoclaste vous parle. Le footballeur Thierry Henry était nommé T3 des Diables Rouges. Quel surnom tout empreint de belgitude lui donneriez-vous? Alors Jean-Marie Langlais propose soit belge et T3. Ah. Évidemment. C'est génial. Gigi Massimo, Titi et les crabes au pain au pied d'or. Ouais, ça marche. Titi et les crabes au pied d'or, ça marche aussi. La Cuig, miracle à Bruxelles ce matin. Le fameux tunnel Stéphanie a été rouvert. Quelle banderole déploriez-vous pour surprendre les automobilistes ce matin? Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9, vous répondez à la Cuig, on corrige ça ensemble demain, on épingle la réponse la plus drôle. On lit tout le monde, on en cite tout quelques-uns. Non, attendez. Ah non, on lit tout le monde. On lit tout le monde, mais on en cite que quelques-uns. On en cite deux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être cité alors? Ah ben, il faut être drôle. Il faut... Et c'est vrai que le nombre de likes quand même... Et payer Jérôme. Non, mais non, alors non, non, bien sûr que non. Prenez exemple sur cet homme qui donc a l'évocation de Bouddha, dit Bouddha noir ou Bouddha... Non. Prenez exemple pour rédiger la... Voilà. Bon, 8h54, l'actu musicale, et vous nous amenez Bruno ce matin les petites nouvelles de Matt Pokora. Oui, puisque depuis quelques semaines, on parle d'un album de reprise de Claude François par M. Pokora. Et enfin, M. Pokora a balancé la confirmation officielle. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là? Je crois qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Non, faut pas. Ah, c'est remis à la sauce 2016. Oui, c'est un peu funky. Et d'ailleurs, il y a eu une mini polémique parce que les détracteurs de Pokora l'accusent un peu d'avoir copié le son de Bruno Mars. Et il a répondu qu'en fait, il s'était inspiré du tube original, hein, Oh What the Night, qui date de 1976 et qui avait été produit par les Fatback. Oui, d'accord, mais c'est quand même pompé de Claude François. Parce bien sûr, c'est très pompé de Claude François. Alors, est-ce que ça va fonctionner? C'est la question, parce que Claude François, ça commence quand même à devenir très daté. Il y a 40 ans maintenant que Claude François est décédé. Claude François est immortel. Oui, c'est vrai, Claude François est immortel. Sûr. Mais en tout cas, M. Pokora, il creuse sa veine parce qu'il a toujours déclaré qu'il était fan de deux artistes, Michael Jackson et Claude François. La preuve. C'était un peu le premier Français à proposer des visuels, un peu des shows à l'américaine, avec les Claudettes, tout ça, des chansons pour divertir les gens, pour faire danser les gens. C'est quelqu'un qui avait un peu les mêmes envies que moi artistiquement, c'est-à-dire de divertir les gens, de proposer un show, de faire du divertissement. J'estime être encore loin de la popularité de Claude François. Je veux mon neveu. Bah oui, mais enfin bon, M. Pokora est quand même un showman, comme l'était Claude François, donc on aura peut-être des pokorettes sur scène. Puisque M. Pokora arrive à Forêt Nationale le 17 mars prochain, non. Visiblement vous n'irez pas. Hein, non, vous n'êtes pas convaincu. On va faire un sondage dans le studio Viva de ce matin. Sarah, est-ce que vous êtes d'accord pour des reprises de Claude François? C'est un bon danseur, c'est un bon showman, mais non, on a trop le visuel. Bah oui, pas mon Claude, mais Jérôme. Je ne sais pas, moi, faire ça, dès que je prendrai un bain, je ne sais pas. Attendez, j'élargis. Alexis qui réalise. Tu es d'accord pour qu'il reprenne? Non. Attendez, Renaud qui réalise. Tu es d'accord? Oui, Cédric, tu es d'accord? Non. Voilà, c'est pas... Mais si personne ne reprend ces chansons vont mourir. Hein. C'est vrai. Oui. Non. C'est vrai que pour les jeunes, c'est bien. Oh, oui, mais sauf que dans une soirée, vous mettez Alexandre et Alexandra, ça marche encore. Ouais. Ça va fonctionner. Moi, je suis sûr que ça va fonctionner. Alors, maintenant que les vieux ont donné leur avis, chapitre suivant. Michael Bublé. Oui, qui est un chanteur québécois, en fait, hein, mais côté anglophone. Ça fait 20 ans qu'il chante. Il a beaucoup repris des classiques de l'American Songbook, les crooners jazz vocal. Ceci, notamment, il y a ça. I've got you under my skin. Ça, c'est une reprise de Frank Sinatra. On peut passer ça aussi. Toujours des cuivres, c'est cette ambiance. C'est quand je descends mon escalier, ça. Ah, c'est ça. Et avec le peignoir. Vous avez une parure en plume? Mais absolument. Un boa, mon cher ami, un boa. Il a toujours proposé, en fait, Michael Bublé sur ses albums, à la fois des reprises et des titres originaux. Il y a un nouvel album qui va arriver, ce sera le 21 octobre. Cet album s'intitule Nobody But Me, et c'est aussi le cas du nouveau single. Nobody, nobody, nobody but me. Ce chouette. Ah, c'est le tube, ça, Survival. Bah ouais, oui, c'est très radiophonique. Bah, y a pas de révolution, mais c'est très très bien fait. Les arrangements sont beaux, ils chantent bien. Et surtout, bah, comme Michael Bublé vend, il y a toujours beaucoup d'argent dans ses productions. Donc ça sonne très très bien. Et vous savez s'il va reprendre Mike Brandt un jour? Peut-être. Ouais, peut-être. C'est Amory Vassili qui avait repris Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Et toute une nuit. Laisse-moi. Toute la vie. On lui suggérera quand il viendra. C'est pour ça. Oh, éloignez-vous du micro. Alors refaites-le parce que j'aime bien, je vibre. C'est pour ça. Essayez un peu, c'est ma prière. Ça, oui, c'est ma prière. C'est ma prière. Nous sommes ici à la cave de vie. Ils annoncent sec aujourd'hui. Voilà. Partant pas du sûr. Principe que personne n'écoute peut-être, nous nous sommes permis un karaoké. 3-4, Alexandrie, Alexandra. Ah, Alexandrie ah. Alexandra. En télé sur la Une, les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Denis de Nicolas, est-ce que vous tenez le « de Claude ? Attendez. Voile de nuages. Ils se font les bagages. Je trouve ça assez moderne, hein, pour tout vous dire. Le soleil brille. Mais pas trop quand même. Pas trop moderne quand même. Non, pas trop moderne. Non, bon, écoutez. Allez, je vous fais une bonne vieille météo.